Et vous êtes toujours à l'émission Les Oreilles à l'heure, Les Oreilles ailleurs, pendant une prolongation d'une heure. Michel Bonaparte, les topics du Capricorne vont vous revenir la semaine prochaine. Et c'est un spécial que je fais. Je vous présente une compilation qui s'appelle Folk for the People. Folk for the People, c'est l'initiative d'un musicien belge dont les ancêtres sont ukrainiens, Mich Rozek. Mich Rozek a lancé cette idée folle au début de mars 2014. Rapidement, j'ai vu passer dans Facebook son initiative. Il y a une page qui s'appelle Folk for the People dans Facebook. Vous pouvez vous chercher Folk for the People, vous allez trouver la page dans Facebook. Sinon, je vais la mettre sur le blog Les Oreilles ailleurs un peu plus tard aujourd'hui. Il a eu cette idée folle donc de rassembler les groupes de la scène folk alternative d'Europe et du Canada, dont fait partie son groupe Rastaban, pour la réalisation d'une compilation téléchargeable au profit des victimes de Maïdan. Je l'ai joint par courrier, par message Facebook, et éventuellement on s'est joint aussi par courrier électronique, et il m'a fait parvenir ce fichier audio dans lequel il explique pourquoi il a eu cette idée. On va l'écouter et ensuite on va écouter la pièce Mujahdout Doucha, Doussa, pardon, de Rastaban, qui est une des 35 pièces, Rastaban étant le groupe dont fait partie Mich Rozek, qui est une des 35 pièces de la compilation qu'on va écouter. On n'écoutera pas les 35 pièces aujourd'hui, évidemment, on a une heure devant nous seulement. Mais je vous le dis, c'est une bonne cause, et pour le prix, le coût, je vous indiquerai comment on peut se procurer ça tantôt, pour le coût, c'est vraiment pas cher. On écoute d'abord Mich Rozek expliquer son projet. Auteur québécois, ici c'est Mich du groupe belge Rastaban. Donc voilà, ben Michel m'avait proposé de présenter brièvement le projet Folk for the People, qui a été initié ici donc avec différents groupes de la scène folk alternative. Donc en gros voilà, étant d'origine ukrainienne, j'ai été très secoué par ce qui s'est passé sur la place du Maïdan. Vous avez sûrement vous aussi suivi la situation, tous ces gens donc qui se sont fait tuer par les forces de police de leur propre gouvernement en fait. Donc voilà, à mon niveau, je voulais mettre quelque chose en place, faire quelque chose pour pouvoir aider les victimes et leurs familles. Et donc assez rapidement, de manière très spontanée, ce projet de compilation s'est mis en route. Et en à peine une ou deux semaines, on s'est retrouvé donc avec 35 groupes de toute l'Europe et un du Canada qui ont contribué en donnant un de leurs morceaux. Et pour donc une compilation qui est uniquement disponible en téléchargement sur Bandcamp. Et tous les bénéfices de la vente vont en fait à une organisation qui s'appelle Euromaidan SOS, qui s'occupe en fait, qui a créé un fonds qui s'occupe exclusivement donc du soutien aux victimes directement, donc celles qui ont besoin de rééducation, certains ont encore besoin aussi d'opérations assez lourdes, et également aider les familles des victimes. Donc il y a certaines familles qui se retrouvent sans aucune ressource suite au décès du chef de famille, connaissant la situation économique en Ukraine désastreuse et qui va sans doute vraiment pas s'améliorer avec la situation de conflit avec la Russie pour l'instant. C'est une aide qui est plus que nécessaire. Donc voilà, maintenant la compilation est en ligne depuis 2 ou 3 semaines et on a déjà rassemblé un peu plus de 2000 euros. Donc voilà, l'adresse à laquelle vous pouvez vous procurer cette compilation, c'est www.folkforthepeople.bandcamp.com. Et donc voilà, le prix de base est de 10 euros. Vous pouvez donner plus si vous voulez soutenir plus. Donc voilà, en gros l'histoire de ce projet un peu fou qui est venu un petit peu sans que ça soit prévu. Donc au départ, au moins spontanément sur Facebook, j'étais parti sur l'idée d'organiser un mini-festival, mais bon, ça représente quand même des coûts assez importants. Et puis en discutant avec différents musiciens de la scène, on s'est dit que voilà, ce projet de compilation, c'était ce qu'il y a de plus facile à mettre en route, puisqu'il suffit que chaque groupe offre un morceau. On les met en ligne et puis voilà, à partir de ce moment-là, les contributions financières arrivent sur PayPal et il suffit de transférer l'argent. Donc voilà, j'espère que ce projet vous parlera et que au-delà de l'aspect musical, que la cause vous touchera également et que Voilà, vous éprouverez aussi du plaisir à écouter ces différents groupes qui viennent d'un peu partout, hein. Donc, il y a des groupes de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, d'Angleterre. J'ai contacté aussi des groupes ukrainiens. Ça me paraissait quand même très important pour qu'ils contribuent aussi. Il y a même un groupe russe qui a contribué, en général des groupes que je connais personnellement, avec qui on a déjà joué, et d'autres groupes qui sont personnellement touchés par la cause. Donc voilà, ben, on vous salue de la vieille Europe et à très bientôt. Flash and I. Bonjour à tous, de folk du groupe Rastaban, c'est tiré de la compilation Folk for the People. C'est une compilation destinée à venir en aide aux victimes de la répression en Ukraine. Merci beaucoup en passant à l'auditrice qui m'a appelé pour me faire part de son appréciation. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. On a demandé dans un article qui est apparu récemment sur une publication web qui s'appelle Chronique ukrainienne. On a demandé à Mich Rozek de dire quelques mots sur le groupe Rastaban et lui, qu'est-ce qu'il fait dans ce groupe. Et il a dit je suis batteur percussionniste du groupe belge. On définit notre style comme du folk tribal, mélangeant des influences qui vont de la musique celtique ou nordique aux chants médiévaux, ou aux mélodies slaves ou balkaniques. Il dit on a un son très pan-européen, on pourrait dire, mais avec une touche tribale et primaire très communicative et une énergie rock, tout en restant dans la musique acoustique. C'est ce que j'aime beaucoup, ce mélange, cette fusion de genres, fusion de folk et de rock, entre autres. On va poursuivre l'écoute de la compilation Folk for the People. On va écouter Phone de Z-Guest. Ah, j'ai mélangé Z-Guest de Faune, pardon. Et ensuite, on va écouter Mafia de Eidamaki, qui est un groupe ukrainien. Tantôt, Mich Rozek nous disait qu'il y a quelques groupes ukrainiens qui font partie de la compilation. Mais là, j'en ai mis trois de suite. Eidamaki, The Ukrainians et Astarta Edwin. Enfin, Edwin n'est pas ukrainien lui-même, mais Astarta, c'est un duo de chanteuses ukrainiens que j'ai fait jouer il y a quoi, 2 semaines. Elles sont vraiment bonnes. Allons-y avec Aldona et la chanson Sonnet. Niewasta u ludzi i losu płacze od wszystkich nagle odtrącam i dźwigam głos mój do głuchych niebiosów i patrzę w siebie i klnę zrozpaczony. Chciałbym Jakub być w nadziejach bogaty, Jakub, gdy w pośród przyjaciół króluje. Owe talenta, ów kunszt, owe szaty, a co najmilsze, najmniej zgłoszę. Twoja bo miłość przywodzi wspomnienia, iżbym z królami losu nie zamieniał. Twoja bo miłość przywodzi wspomnienia, iżbym z królami losu nie zamieniał. Iżbym z królami losu nie zamieniał. Iżbym z królami losu nie zamieniał. Mix dit d'Aldona, Aldona la blonde, Aldona la douce, c'est se faire sauvage, hilar ou désespéré, par la magie d'une voix colorée. Des saisons où elle suit le cours du vent, elle connaît le souffle de l'humain, l'aventure du rire au drame. Ça, c'est un extrait sur aldona.org, si vous voulez en savoir davantage sur cette chanteuse. Mondo Mix, en passant, c'est un magazine web qui n'est plus que web maintenant. Ils ont décidé de faire une version papier. Si vous voulez en savoir plus sur toutes sortes de musique, non seulement musique du monde, mais jazz, mais aussi toutes sortes au-delà de la musique. Ils parlent parfois de bande, ils parlent de littérature, ils parlent de cinéma, etc. C'est vraiment un site à voir. On poursuit la compilation Folk for the People. Je rappelle que c'est une compilation qui est uniquement disponible sur Bandcamp. On peut la télécharger, moyennant un montant quand même pas très élevé, compte tenu du fait qu'on a 35 pièces, 35 pièces d'autant de groupes qu'on peut obtenir en téléchargeant cette compilation. On poursuit donc avec le groupe Faune et la chanson Zeit Guest. Dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir versuchen im Dunkeln das Licht zu verstehen. Hab keine Angst und fürchte nur, was dich nicht versteht. Das Rad dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir schließen die Augen, als wenn wir nicht sehen. Die alte Welt versinkt in einem Meer aus Ideen. hostile, non-destructive technical skill. Unless you realize basically that you yourself are this whole domain of nature. That's the real you. You are not in a fight against nature. You're not here to conquer nature. Because there's nothing to conquer. It's all you. So when you use technology to bulldoze everything in the search, you're fighting yourself. You're fighting yourself. Um weiter zu ruhen. Noch eines wollen wir, wenn alles anders wird. Noch eines wollen wir uns wiederfinden. Ce qu'on entendait, c'est Edamaki dans Mafia. Edamaki, c'est un groupe rock folk ukrainien. On va devoir s'arrêter ici pour pouvoir entendre nos commanditaires. On va poursuivre dans la deuxième demi-heure avec d'autres groupes ukrainiens. C'est tiré de la compilation Folk for the People, une compilation destinée à venir en aide aux victimes de la répression ukrainienne. À tantôt. CKRL 89.1, Québec. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Barberie, la boîte à pain Café Napoli, le Bal du Lézard, ainsi que l'hôtel Château Laurier. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h30 et la fin de semaine de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. CKRL tient à remercier Télé-Québec, partenaire de premier plan lors de son Radioton. Télé-Québec innove et s'implique en offrant une programmation différente et diversifiée. Des artisans de la radio et de la télévision unis par la même passion. Merci d'investir dans la mission de CKRL. C'est une chanson par rapport à ça, d'essayer de comprendre comment ça peut exister qu'une personne jeune soit là, puis tout d'un coup qu'elle soit plus là. C'est difficile à comprendre ces choses-là. On comprend avec la tête, mais on comprend pas vraiment. And it just seems wrong to go on without you now. Délicatesse et fébrilité, le blues de Jordan Officer à Sentier Secret, mardi 15 avril à 10h. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. C'est Michel Monnet au micro en remplacement de Michel Bonaparte qui vous revient la semaine prochaine avec Topic du Capricorne. Donc, c'est un prolongement de l'émission Les Oreilles ailleurs et c'est aussi une émission où je vous présente quelques-unes des pièces tirées d'une compilation qui s'appelle Folk for the People. C'est une compilation destinée à venir en aide aux victimes de la répression en Ukraine. Là, je vais faire jouer une pièce d'un groupe qui est pratiquement un groupe mythique du Ukrainians. C'est un groupe formé en 1990 qui se consacre principalement à des reprises en ukrainien de chansons traditionnelles ukrainiennes. On dit que son style est marqué par le punk. On va écouter Skilky Revolutsi. що за те треба, те, що є на серці, все, що є на серці, щиро виговоритися. Не продавайте за доляри, не продавайте за фунти, не продавайте за рублі, не продавайте. Ця хата не продає, наша воля не продається, ця душа українська. Виказати треба, те, що є на серці, те, що є на серці. Не продавайте за доляри, не продавайте за фунти, не продавайте за рублі, не продавайте за душу, не продається ця хата, не продає наша доля, не продається ця душа українська. Skilky Revolutsy, c'est une très belle chanson. La prochaine pièce m'interpelle plus particulièrement. Je l'ai présentée vendredi au Matez éphémère une émission animée par Caroline Stevenson. Et je vais commencer comme ça chaque semaine. Ça va plutôt le jeudi que le vendredi, mais je vais commencer comme ça à présenter une des pièces que je fais jouer le dimanche à l'émission Les oreilles ailleurs. Et la prochaine pièce donc que j'ai présentée, c'est la pièce Kalina du groupe, en fait, de la collaboration née de Colin Edwin et du duo ukrainien Astarta. Astarta, c'est Inna Sarkova et Malia Renko. Colin Edwin, c'est un chanteur, c'est un bassiste qui fait partie de Porcupine Tree. Il est allé en 2012 en Ukraine faire un spectacle avec X-Wise Heads. Et il est allé voir Astarta en spectacle à Kiev. Et tout de suite, il s'est dit « Waouh, il faut que je collabore avec ces deux chanteuses » et de la collaboration est née ce spectacle qui s'intitule Astarta Edwin. Il y a 4 pièces qui sont actuellement sur Bandcamp. Et malheureusement, on ne peut pas se les procurer parce qu'on ne peut pas transférer depuis Bandcamp de l'argent à l'Ukraine. C'est vous dire à quel point ça ne va pas bien en Ukraine. Et c'est une raison de plus, je crois, pour donner votre appui à cette belle initiative de Mish Rozek, Folk for the People. Un album, vous voyez depuis tantôt, je vous ai fait jouer quelques-unes des 35 pièces. Vous voyez que c'est vraiment bien comme album. Alors, on va écouter un autre groupe que j'aime beaucoup, Demonia Nymphae. Demonia Nymphae, j'avais fait jouer une de leurs pièces il y a quelques émissions de ça. Et ensuite, on va écouter un autre groupe mythique ukrainien qui s'appelle Dakabraka, dans la chanson Vesna, qui veut dire printemps. Et on va terminer avec une pièce... elle aussi mythique, tiens, allons-y dans le mythe. Bella Ciao, d'un groupe qui s'appelle La Horde. On commence avec Astarta Edwin Kalina. Thank you. Une partie de la pièce Vesna du groupe Dakaraka, un groupe folklorique ukrainien que j'aime beaucoup, beaucoup. On n'aura pas le temps de l'écouter au complet, la pièce fait 8 minutes, mais vous pouvez l'entendre sur la compilation Folk for the People depuis Depuis 16 heures, je vous fais jouer quelques extraits de cette compilation. C'est 35 groupes, 35 artistes qui ont accepté de donner une de leurs pièces pour former cet album qui, dont l'objectif est dans le but de venir en aide aux victimes de la répression ukrainienne. C'est Mich Rozek, qui est du groupe folklorique Rastaba, qui a eu cette idée, cette très belle idée de demander à des amis qui font partie de d'autres groupe folklorique comme lui, de contribuer à cette compilation. On peut se la procurer sur Bandcamp. On fait folk for the people en un seul mot .bandcamp.com. On tombe directement sur la page où est la compilation. Elle est uniquement en version électronique et c'est pas cher, c'est 10 euros. C'est à environ 15 $ canadiens. C'est vraiment pas cher pour ce qu'on a. On peut donner plus, hein. On peut donner 20, 25, 30, on peut donner plus pour venir en aide. C'est l'association qui reçoit l'argent et qui va venir en aide aux victimes s'appelle Euromaidan SOS. Si vous voulez en savoir davantage sur cette association, vous faites Euromaidan, EUROMAIDAN SOS.org, et vous avez une version en anglais, en tout cas une version en anglais qui explique qui ils sont et ce qu'ils font. On va terminer avec Bella Ciao, cette superbe pièce que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est le groupe La Horde qui la chante. Et je vous laisse là-dessus. C'est Michel Monette. C'était donc un prolongement des oreilles ailleurs. Après, c'est les racines musicales qui suivent à compter de 17 heures. À la semaine prochaine. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse de Limoilou, Télé-Québec, la Mesure Première Ovation et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. CKRL remercie la Caisse d'économie solidaire Desjardins, partenaire de premier plan du Radioton de CKRL. La Caisse d'économie solidaire soutient près de 3000 coopératives et organismes sans but lucratif partout au Québec. De plus, elle conseille plus de 15 000 citoyens comme vous en matière d'investissement socialement responsable. À quoi sert votre argent? La Caisse solidaire vous invite à diversifier votre portefeuille. Faites comme Laure Varidel, la cofondatrice d'Équitaire, épargnez là où ça compte vraiment. Découvrez le placement à rendement social en visitant le www.caissesolidaire.coop. Les moulets frites sont de retour au Vieux-Port. La cabane offre en effet le moulet frites à volonté en soirée du mercredi au dimanche à prix spécial en mars et avril. Située dans les anciens locaux du Poisson d'Avril, la cabane reprend le flambeau avec un menu qui suit les saisons. Au printemps, c'est le crabe qui sera à l'honneur dès le début de la pêche. L'été, c'est le homard et la folie des lobster rolls ou guédille au homard. Aussi au menu, steak, poulet grillé et fish and chips. À l'année, c'est les moulets frites à volonté. Le Tam Tam Café, situé au coin Charest et Langelier dans le quartier Saint-Roch, est un restaurant d'économie solidaire et sociale ouvert dès 10h du mardi au vendredi. Plateau du centre Jacques-Cartier, le Tam Tam accueille les jeunes qui concoctent des menus simples et savoureux dans un cadre de formation et de mise en action. Du mercredi au vendredi soir dès 19h, le restaurant se transforme en salle de spectacle innovante, émergente, où l'on y découvre l'expérimentation culturelle sous toutes ses formes. Le Tam Tam est aussi un resto qui offre des cafés solidaires, initiative qui consiste à payer un café au suivant. Venir manger ou assister à un spectacle au Tam Tam, c'est découvrir et connaître le centre Jacques-Cartier. Du mardi au vendredi dès 10h du matin, tamtamcafé.org. C'est toujours Michel Monette à l'appareil. Je me suis trompé, ce sont des choses qui arrivent. En fait, j'ai encore 30 minutes devant moi pour vous faire découvrir des pièces de la compilation Folk for the People, racine musicale, début plutôt à 17h30. On va y aller donc avec d'autres pièces tirées de cette compilation, dont l'objectif est de venir en aide aux victimes de la répression en Ukraine. Thank you. da sem senski vruba baba, sin ljubodi, volota brava, svi časni vrta lava. Hari, ja hari, ja hari. Hari, ja hari, ja hari. Štirka skorki, ti ljube, Ojerki zeleni vrtaj, dobro konja, što pegluje, ljubitel svuje. Svi pererve, to na ne, pa vam kažem prijatelj. Sred neba, to ne vid, Bože viva nije vid. We'll be right back. Toutes les pièces que vous venez d'entendre font partie de la compilation Folk for the People et je n'ai pas fait jouer l'ensemble des 35 pièces que comprend cette compilation. Vous vous rendez compte, pour seulement 10 €, c'est environ $15 canadiens, vous pouvez vous procurer sur cette compilation Folk for the People en un seul mot .bandcamp.com. et ce faisant, en achetant cette compilation sur Bandcamp, vous contribuez à aider les gens qui ont été victimes de la répression en Ukraine. C'est SOS Maiden, l'association SOS Maiden qui recevra l'argent et qui viendra en aide aux victimes de la répression là-bas en Ukraine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de causes. C'est Caroline Stephenson à l'émission Matins éphémères qui me faisait remarquer que oui, mais il y a beaucoup de causes à soutenir à travers le monde. C'est vrai, mais ce qu'il y a de fantastique en achetant Folk for the People, c'est que non seulement vous contribuez à aider les victimes de la répression en Ukraine, mais en plus vous procurez une très belle compilation qui est une initiative de Mich Rozek du groupe Rastaban. Et justement, pour les 2 minutes environ qui suivent, juste avant l'émission Racine musicale, on va réécouter le début de la chanson Moja Dusa de Rastaban. C'est Michel Monette au micro avec cette petite extra de 30 minutes. J'espère que je vous ai encore plus donné le goût d'acheter la compilation Folk for the People. On se revoit la semaine prochaine à compter de 15 h pour l'émission Les Oreilles ailleurs. Au revoir.